parole des vrais. C'est un saucisson de cheval, un saucisson que de cheval que je viens de faire. Un cheval, c'est une chanson de saillie, ah, chanson de saillie. De cheval, moi qui suis esthète, de cheval, ah, je trouve ça beau. De cheval, génial, admirable, de la peine, refrain. C'est le refrain. Moi qui viens de Grèce, de cheval, je m'appelle au reste. De cheval, t'as pas bouffé l'os. De cheval, je débarque à Paris. De veau, oh oh, quel régalo. De cheval, de prendre le métro. De cheval, quand on ne connaît pas. De cheval, oh, ce qu'on s'amuse. De bœuf et refrain. Le refrain, c'est toujours. Mes enfants, ma foi, de cheval, sont de vilains grognons. De cheval, quand ils pleurent en cœur. De cheval, j'essaie de les distraire. Les vaches, je viens à boudin. Boudin de cheval, mais les autres aussi sont. De cheval, toujours dans le besoin. De cheval, ça ne peut pas être pis. De chèvre, mais non. L'enfant, c'est. Quel est cet aztèque de cheval qu'on vient de voir filer. De cheval, du haut de la côte. De cheval, dans le précipice. En moto, peut-être bien estomac. De cheval qui vient de me ventre. De cheval, un complet à garrot. De cheval et un gilet pied de poule. Allez, maintenant je suis comme ça. Maintenant je vais m'asseoir, j'en ai marre, je vais m'asseoir. Je désirais m'asseoir de cheval et tu m'as menazo. De cheval, canapé en rotin. De cheval et mon cœur vous fumiez. Mes cigares, n'étais-je pas la frenier. De cheval qui fourbu sa fesse. De cheval, ça fait rire les groupes. De cheval, ah, comme l'écurie. Et gay. Albo saucisson. De cheval, ah, chanson de saillie. De cheval, ah, je trouve ça beau. De cheval, car je suis esthète. De quoi? Esthète de quoi? Esthète de cheval.